Audiomatic. le projet Master Margherita de l'artiste Moreno Antognini se chargeait de poser les premiers sons de cette transmission 228 d'Audiomatique avec sa pièce Shruti One dans une version intitulée Ambient Mix et paraissant sur son plus récent album intitulé Border 50. Pour une période d'environ 60 minutes, les sonoristes seront vos hôtes pour cette transmission 228 d'Audiomatique pendant laquelle nous vous présenterons nos suggestions du moment. Et c'est au tour maintenant de la formation anglaise Esben and the Witch. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le groupe américain Belly, mené par la chanteuse Tanya Donnelly, qui a fait partie des formations Throwing Muses et également The Breeders. Belly a été fondée en 1991 et a fait paraître deux albums entre 1992 et 1996. Puis, après une séparation, le groupe s'est reformé 20 ans plus tard, soit en 2016, et a sorti un troisième album intitulé Dove en 2018. De leur premier album, Star, lancé en 1992, nous vous présentions la chanson Angel. Et pour débuter, il s'agissait du groupe anglais S-Ben and the Witch, formé de la chanteuse et bassiste Rachel Davies, du guitariste Thomas Fisher et du batteur Daniel Copeman. De leur troisième album studio A New Nature, paru en 2014, nous entendions la chanson No Dog. Pour la prochaine séquence musicale, Audiomatique s'inscrit dans la continuité avec Sonic Youth. Thank you. La formation Swerve Driver concluait cette séquence de deux pièces à Audiomatic grâce à Last Train to Satansville, une composition apparaissant sur leur deuxième album Mezcal Head, paru en 1993. Avant Swerve Driver, nous entendions une pièce de Sonic Youth, soit Beautiful Plateau. Celle-ci se retrouve sur l'album The Destroyed Room, qui est en fait une compilation de pièces rares, de versions alternatives et de B-sides, majoritairement composées par Sonic Youth dans les années 90 et au début des années 2000. L'enchaînement musical à Audiomatic s'incarnera cette fois à travers la musique du groupe anglais Thought Forms. Thank you. Ce bloc musical était composé à Audiomatic par la musique du groupe britannique Thought Forms, mené par la chanteuse et guitariste Charlie Romaine, du chanteur et guitariste Deej Dalival et du batteur Guy Metcalf. De leur deuxième album Ghost Mountain, nous vous présentions deux pièces, soit dans l'ordre Sans Soleil, suivi de Burn Me Clean. Pour en savoir davantage sur cette formation inspirante, nous vous invitons à visiter leur profil sur Bandcamp, soit le thoughtforms.bandcamp.com, thoughtforms.bandcamp.com. La transmission 228 d'Audiomatic se terminera sur la musique du projet Winterricket et sa pièce Im Augenblick der Nacht de l'album Lichtschlier. C'est déjà avec une avidité renouvelée que les sonoristes vous invitent à sintoniser le 89.1 sur la bande FM mercredi prochain dès 17h pour entendre la transmission 229 d'Audiomatic. Nous sommes conscients que le direct n'est pas toujours une solution pratique pour certains mélomanes. C'est pourquoi nous rendons disponibles nos transmissions à l'écoute en balado-diffusion sur nos plateformes comme, entre autres, facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Winterricket et Im Augenblick der Nacht. C'était Audiomatic avec les sonoristes.